Le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études justes de Suisse ont publié le 16 une déclaration commune en signe de soutien absolu à la déclaration commune du gouvernement, des organisations politiques et sociales de la République populaire démocratique de Corée, anticipant la victoire finale de la cause de réunification indépendante, suivant fidèlement le noble dessein patriotique et le grand programme de la réunification de la patrie du grand homme sans égal.